À l'occasion du 71e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, la chorale d'État émérite s'est produite le discours rond à la Maison de la Culture 25 avril à Pyongyang. Y ont assisté Fang Byung-so et Choi Ryong-hae, membres du comité permanent du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, et d'autres cadres responsables du parti et de l'armée, les cadres des organismes du parti et des forces armées, les cadres des unités d'activité de la capitale inspectées par les grands leaders, des usines et entreprises exemplaires dans la campagne de 200 jours, des innovateurs de travail, des jeunes étudiants et des compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste, les représentants diplomatiques et des institutions internationales et leurs femmes, les attachés militaires et leurs femmes en Corée, ainsi que des hôtes étrangers.